1, 2, 3, 4. Boarding school. Boarding school. Bonjour et bienvenue sur l'émission Beaulieu School de l'école Beaulieu-Latour. Aujourd'hui, il y aura Jasmine, Delina, Erwan, Neila, Maëlys et Malo. Aujourd'hui, il y aura dans l'émission Beaulieu School l'interview d'une journaliste nommée Cerise. Ensuite, nous allons mettre une pub. Après, nous allons parler du printemps des poètes. Une autre pub, les élèves diront ce qu'ils veulent faire plus tard et pourquoi. Nous continuons par un rap d'une poésie, le brochet. Et nous expliquerons pourquoi nous avons choisi la musique gala. Nous vous faisons pas attendre une minute de plus. C'est parti ! Et ben, le métier de journaliste, c'est déjà c'est de poser des questions et connaître des choses. Par exemple, être journaliste, c'est se déplacer, c'est voir quand on a par exemple la guerre en Ukraine, pour aller voir vraiment ce qui se passe. Et ben, les journalistes, ils se déplacent pour montrer la vérité, pour montrer ce qui se passe. Et ben voilà. Être journaliste, c'est informer les gens, c'est être au courant et donner une information aux gens, c'est aussi c'est informer. On peut informer avec plusieurs formes, avec la télé, avec la radio, avec les journaux. C'est informer les gens. On a compris qu'être journaliste, c'était compliqué et qu'il fallait faire beaucoup de recherches. C'est très dur d'être journaliste parce que comme Yolène, il part dans des autres pays où il part en fait pour savoir la vérité. Ben quand on est journaliste, il faut jamais raconter des choses fausses juste pour avoir de l'argent. Il faut dire la vérité pour donner des vraies informations. Les journalistes, ils peuvent parler de l'actualité mondiale, mais aussi de l'actualité commune. Enfin, voilà. Et aussi, être journaliste, c'est quand on pose des questions, et ben nos questions doivent avoir du sens. Voilà. Et aussi, être journaliste, c'est aussi avoir l'occasion de apprendre de nouvelles choses et de comprendre le métier, que c'est dur, que ça prend du temps. Et que c'est pas facile de interviewer des personnes parce que peut-être qu'elles sont pas tout le temps toujours présentes. Être journaliste, c'est être convaincant envers le client. En fait, faut pas poser des questions inutiles. L'interview, elle sera pas du tout intéressante. En fait, quand on est journaliste, faut pas dire des choses interviewé quelqu'un, mais il connaît pas la question en fait. Il connaît pas la réponse, mais faut. Parce que comme ça, on va dans quelqu'un et il sait pas, et tu la poses la question, et lui, il peut pas te répondre. Alors ça sert à rien de aller dans les gens en fait, faut que aller. Dans des gens qui sont utiles en fait. En fait, il faut du temps pour préparer une interview. Comme ça, il y aura beaucoup de questions. Par exemple, si on prend 30 minutes, on peut poser au moins 10 questions. Comme on a dit, il y a un certain temps, on a des personnes, on a des mauvais clients et des bons clients. Pour mieux réexpliquer, les mauvais clients, c'est des personnes qui sont intimidées par le micro, que c'est la première fois qu'ils se font questionner. Parce que ça n'arrive pas tout le temps dans sa vie se faire interviewer par un journaliste ou et aussi on peut, vu qu'on n'est pas vraiment habitué et ben on répond vite pour que après on en finisse parce que le stress et l'intimidation et une personne et un beau client c'est une personne qui a l'habitude des micros, il prend son temps pour répondre à la question. Et les mauvais clients, c'est ceux qui n'ont pas l'habitude d'être interviewés. Bonjour, aujourd'hui nous vous informons que le journal Le Petit Bulletin est disponible au centre 2. Donc n'attendez pas, venez le prendre, il est gratuit. Maintenant, nous allons interviewer Cerise, qui a la gentillesse de venir répondre à nos questions. Comment allez-vous, Cerise ? Je vais très très bien, merci beaucoup. À quel âge avez-vous décidé de devenir journaliste ? Alors, moi j'ai un parcours un petit peu particulier. Je ne suis pas une ancienne enfant qui avait trop envie de faire ça. J'ai pris la décision vraiment tard, je pense que j'avais 23 ou 24 ans, peut-être même 25. Parce que pendant longtemps, j'ai arrêté mes études. Un jour, j'ai repris mes études et je voyais un petit peu comment les médias se passaient à la télé, dans la presse. Et je me suis dit, ouh, ça pourrait me plaire. Et du coup, pendant mes études, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais commencer à essayer de faire des petits stages dans des journaux. Et quand je suis arrivée vraiment dans des rédactions, j'ai trouvé que ça me plaisait vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai décidé de continuer et de devenir vraiment journaliste. Combien de temps préparez-vous une interview ? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça dépend vraiment de l'interview. Ça dépend vraiment de la personne que je vais avoir en face de moi. Parfois, c'est des gens que je connais un petit peu. Donc quand c'est des gens que je connais un petit peu, je prends un peu moins de temps pour préparer parce que je sais que dans l'échange, les choses vont bien se passer. Par contre, quand c'est des personnalités que je connais pas, puis des fois des personnalités un petit peu impressionnantes, même pour moi, je prends généralement un peu plus de temps. Ça peut aller jusqu'à 1h30, 2h, le temps de bien refaire tout le parcours de la personne que je vais interroger et puis de cibler vraiment les bonnes questions qui pourraient être intéressantes à lui poser pour le public qui ensuite va nous lire. Qu'avez-vous voulu faire quand vous étiez petite ? Quand j'étais petite, je voulais être présidente de la République. J'avais de très très très très grandes ambitions. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ça allait être un petit peu difficile. Donc pendant très longtemps, je savais pas trop en fait, parce que vous allez vous en rendre compte vous aussi, mais c'est difficile quand on est jeune d'arriver à se projeter vraiment dans une vie professionnelle qui va durer longtemps. Alors j'ai eu plein d'idées, passé un temps je voulais être décoratrice d'intérieur, je voulais être prof d'histoire, il s'est passé plein de choses. Jusqu'au jour où, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai vraiment découvert ce que c'était qu'une rédaction et où là, je me suis rendu compte que c'était ça, le métier que j'avais vraiment envie de faire, journaliste. Qu'aimez-vous dans votre métier ? Ce que j'aime dans mon métier, c'est plein de choses. Alors moi, j'aime beaucoup écrire. Donc comme je travaille en presse écrite, c'est très bien parce que je passe beaucoup de temps à écrire des articles. Et puis j'aime aussi énormément le contact avec les gens et surtout rencontrer des nouvelles personnes très souvent. Et ça, c'est bien parce qu'à chaque fois qu'on part écrire un sujet, écrire un article sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore, on rencontre de nouvelles personnes, on discute avec elles, on échange. Et c'est vraiment ça, moi, qui me plaît beaucoup. D'accord. Travaillez-vous seul ou en groupe ? Ça dépend des moments. Au Petit Bulletin, c'est un journal qui sort tous les mois, qui est mensuel. En fait, et à côté de ça, on a un site internet qui, lui, est actif vraiment toute la journée. Pour s'occuper du site internet, je travaille principalement seule, sauf de temps en temps, il y a des stagiaires qui viennent nous rejoindre aussi pour découvrir un peu le métier. Mais je passe énormément de temps seule. Et puis, il arrive un moment où on se met à la fabrication du journal qui va bientôt sortir. Et là, on est en groupe. Là, il y a des jeunes journalistes qui nous rejoignent sur une semaine, 10 jours, pour eux aussi écrire des articles. Et on rentre dans quelque chose d'un peu plus collectif, d'un peu plus groupé. D'accord. Avez-vous un peu de temps pour vous ? un peu de temps pour moi. Alors, oui, j'ai un peu de temps pour moi. J'essaie de prendre du temps pour moi. C'est un métier, journaliste. Moi, je suis rédactrice en chef au Petit Bulletin, c'est-à-dire que je m'occupe vraiment de toute l'organisation de ce qui se passe dans le journal. M'occuper des gens qui travaillent avec nous, m'occuper de la programmation, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment on fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps à certains moments. C'est-à-dire que dès qu'on a une idée, on a super envie d'aller au bout, sans forcément se rendre compte que derrière, il va y avoir énormément de travail. Et du coup, à certains moments, il y a beaucoup de boulot quand même. Donc, on a un petit peu moins de temps pour soi, mais on essaye d'équilibrer toujours. D'accord. Combien de temps préparez-vous un article ? C'est un peu comme l'interview, tu vois. Ça dépend vraiment de l'article. Des fois, c'est juste quelques petites informations qu'il faut donner aux gens, des choses pratiques. Par exemple, oh tiens, il y a un restaurant ou un nouveau bar qui vient d'ouvrir à Saint-Étienne. Donc ça, c'est des choses qui se traitent assez vite. Et puis, moi, j'aime bien, une fois de temps en temps, au minimum une fois par mois, faire des sujets un peu plus construits, un peu plus élaborés, où on va vraiment poser une question importante, une question qui mérite pas mal de travail. Et ça, c'est beaucoup d'heures de boulot. Donc ça veut dire qu'on prépare, il faut faire des recherches en lisant des choses, il faut téléphoner à des gens, il faut aller voir des gens pour les rencontrer, pour qu'ils nous expliquent plein de trucs qu'on ne connaît pas nous, parce que souvent on ne connaît pas et on a besoin de se faire expliquer. Et ça oui, c'est des choses, on peut passer des fois sur un article comme ça, peut-être 15 heures, 20 heures à préparer avant de vraiment rentrer dans l'écriture. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir journaliste ? Ce qui m'a donné envie de devenir journaliste, c'est c'était très idéaliste, mais on est nombreux, je pense, dans ce cas. Je pensais à une époque que les journalistes pouvaient changer le monde, qu'ils pouvaient vraiment améliorer les choses, qu'en écrivant des choses au plus proche de la vérité, on arriverait à donner des clés de compréhension aux gens pour qu'ils puissent avoir envie de s'investir un peu dans le monde et de l'améliorer. Bon, aujourd'hui, je me rends compte qu'on ne change pas vraiment le monde. C'est pas tout à fait juste ce que j'ai pensé. Mais néanmoins, aujourd'hui encore, je me dis que parfois, en lisant des articles, les gens ont les bonnes informations. Et avec ces bonnes informations-là, il y a des choses qui vont se déclencher chez eux pour, parfois pour être un peu plus humain, parfois pour réfléchir sur tout leur circuit un peu politique par rapport aux élections, par rapport à tout ça. En tout cas, ça ouvre un peu l'esprit aux gens et je pense que ça, c'est très important. Pourquoi avez-vous voulu aller travailler au Petit Bulletin ? Ça, c'est une très bonne question parce que j'aime beaucoup... Le Petit Bulletin, c'est un journal culturel. Donc, ça veut dire qu'on s'occupe de parler des groupes de musique, des pièces de théâtre, des films qui passent au cinéma. Et c'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup parce que je me rends compte que le spectacle vivant et la culture, c'est des choses qui sont très, très importantes dans la vie des gens. C'est des choses qui font du bien, c'est des choses qui sont un peu plus légères, c'est des choses qui donnent des clés de compréhension du monde. Et j'avais vraiment envie de m'occuper de ça un peu toute la journée. Depuis combien de temps le Petit Bulletin existe ? Alors le Petit Bulletin, c'est un journal qui n'a pas été créé à Saint-Étienne au départ. Il a été créé à Grenoble il y a une trentaine d'années. Et puis ensuite, il a été créé à Lyon aussi, il y a une grosse vingtaine d'années. Et il y a 10 ans, 11 ans même exactement, le Petit Bulletin a été aussi créé à Saint-Étienne. Donc chez nous, là, pour celui dont je m'occupe à Saint-Étienne, c'est 11 ans. D'accord. Avez-vous déjà travaillé avec d'autres journaux ? Alors oui, là vous êtes en train d'intervenir sur Radio Audio et c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble avec Lionel. On travaille aussi de temps en temps avec France Bleu, il nous arrive de travailler avec Active Radio. L'échange entre les journaux et entre les différents médias aujourd'hui, il est important pour avoir un peu plus de poids et puis pour partager aussi des idées, des processus et puis du rédactionnel en fait simplement. Des fois on est beaucoup plus fort quand on est nombreux, quand on est ensemble. Donc ça peut être intéressant ouais, de travailler avec plusieurs collaborateurs d'autres journaux. Avez-vous déjà interviewé des personnes connues ? Oui, j'ai déjà interviewé des personnes connues. Tu veux que je te donne les noms ? Je peux te donner 2-3 noms si tu veux. Comme on travaille sur un journal qui est culturel, on a l'habitude d'interroger des artistes qui sont plus ou moins connus. Ça dépend ce qu'on appelle connu. Je suis en train d'essayer de remonter dans ma tête pour me souvenir de gens qui m'ont marqué. Joey Starr, mais peut-être vous ne connaissez pas parce que vous êtes un petit peu jeune. Qui est-ce que vous pourriez connaître comme artiste? Peut-être pas en fait, parce que je suis beaucoup plus vieille que vous. Du coup, mais très régulièrement, plus généralement, très régulièrement, on interroge des chanteurs. Clara Luciani, vous connaissez? Ah, j'ai entendu des « je connais ». Bah, Clara Luciani, par exemple. Fiscara. Non, ça ne vous dit rien. Bon, ce n'est pas grave. On interroge régulièrement des chanteurs, des gens qui font du théâtre, etc. et qui sont un peu connus pour les gens qui sont un petit peu plus âgés que vous et qui ont un peu plus mon âge, disons. Et maintenant, pouvez-vous nous présenter le petit bulletin? Oui, je peux, bien sûr. Alors, le petit bulletin, je le disais, c'est un journal papier qui sort une fois par mois. C'est un mensuel. C'est dédié aux informations culturelles. Donc, on traite de tout ce qui est spectacle vivant, également du cinéma. On fait régulièrement des enquêtes sur des gros sujets culturels pour essayer de comprendre un peu comment la culture irrigue, se met en place dans la société, comment elle est importante pour les gens au quotidien. Et puis on a aussi du coup un site internet qui reprend à la fois les articles qu'on trouve dans le journal papier, mais qui prend aussi d'autres articles qu'on écrit au fur et à mesure de la journée. Et puis, on est aujourd'hui aussi présent sur les réseaux sociaux où on donne des fois des petites infos pratiques. Par exemple, « Ah, ce soir, il y a tel concert, il ne faut pas le rater, il faut absolument prendre une place si vous n'en avez pas une. » Et voilà, ce qu'est le petit bulletin. Est-ce que vous avez hésité pour, entre quelques journaux pour travailler ? En fait, j'ai pas toujours travaillé au petit bulletin. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au petit bulletin, j'ai déjà travaillé pour plusieurs journaux. À une époque, je travaillais même pour plusieurs journaux en même temps. Parce que j'étais pas salariée d'un seul journal, j'étais salariée pour plusieurs journaux. Du coup, ça a fait que j'ai eu de l'expérience comme ça. Et que quand on m'a proposé de travailler au petit bulletin, j'ai pas eu d'hésitation. Parce que j'avais déjà fait d'autres choses avant, j'avais écrit pour d'autres journaux. Et celui-ci, vraiment, il me plaisait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut y aller. Et il n'y a pas eu d'hésitation. Quel est l'intérêt d'une interview? Alors, ah, c'est une bonne question, ça. L'intérêt d'une interview, c'est... tu vois, les personnes interviewées, souvent, elles ont déjà répondu à plein de questions pour d'autres journaux, pour d'autres médias, pour d'autres journalistes. Et du coup, il y a plein de choses qu'on sait à leur sujet, mais qu'on sait comme si on parlait de notre petit frère ou de notre petite sœur, finalement. On a l'impression qu'on les connaît très, très bien. L'intérêt d'une interview, c'est d'aller chercher la question que personne n'a jamais posée encore et qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur la personne qui va répondre à la question. Alors moi, j'aurais quelques petites questions complémentaires parce que j'aimerais avoir ton point de vue. On a évoqué, lorsque je suis intervenu lundi, la fabrique de l'information, en quoi ça consiste. Et on a parlé de la fréquence, d'abord des supports de médias différents. Donc tu l'as dit, toi, c'est presse écrite. Donc l'écriture, les signes, on est contraint dans notre travail aussi à produire soit sous un temps en radio imparti, en presse écrite sur un espace aussi contraint et restreint. La fréquence également des médias. Le petit bulletin est un mensuel. Alors, se poser la question l'autre jour de cette fabrique-là de l'information, c'est-à-dire comment vous procédez pour... On a parlé de la hiérarchisation de l'information, comment on sélectionne, comment on classe. Quand on est un mensuel, précisément, comment vous travaillez justement en ce sens, c'est-à-dire comment vous faites le choix des sujets. Et ensuite, cette question aussi de l'espace restreint, de la contrainte. Voilà, c'est un peu une double question, mais... Pour finir un peu ou compléter sur ce point. Alors, on a une organisation au petit bulletin qui est assez bien rodée parce qu'on travaille sur un temps long et le piège, c'est d'avoir du temps devant nous et de se dire « Ok, c'est bon, je peux être à la cool, j'ai le temps ». Pour éviter ça et de se laisser déborder au dernier moment, on organise chaque mois une conférence de rédaction où toutes les personnes qui écrivent pour le petit bulletin viennent en rendez-vous et on se fait une petite réunion un peu informelle. 7 en me comptant. Et du coup, tous ces gens viennent, ils sont tous spécialistes d'un domaine. C'est-à-dire qu'on a au petit bulletin quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est expo, art pictural, photo, et il est vraiment spécialisé là-dedans. C'est-à-dire que ça fait des années qu'il parcourt les expos, qu'il a un œil vraiment avisé. Donc lui, il arrive avec une sélection en me proposant, voilà, le mois prochain, moi j'ai repéré telle expo, telle expo, telle expo qui a l'air pas mal et j'aimerais bien pouvoir écrire un article dessus parce que ça peut être intéressant pour les gens qui vont nous lire. Chacun fait ça. Il y a un spécialiste plutôt musique pop, il y a une spécialiste de théâtre, il y a un spécialiste plutôt musique électronique. Chacun arrive avec ses propositions, me donne tout. Alors souvent, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ensuite, c'est à moi, en tant que rédactrice en chef, de dire « Ok, bon, il va falloir qu'on sélectionne au milieu de tout ce qu'ils nous ont donné. Comment on fait ?» Et là, on arrive à la deuxième partie de ta question sur comment on sélectionne par rapport à l'espace restreint qu'on a dans le journal. Parce qu'effectivement, j'aimerais bien écrire des centaines et des centaines de pages tous les mois et je ne peux pas. Moi, j'essaie de faire attention à ce que on essaye de représenter un peu tous les lieux culturels pour qu'il y en ait pour tout le monde et que ce soit pas... Parce qu'il arrive parfois que parmi 10 propositions que quelqu'un m'a formulées, il y en ait 7 sur le même lieu culturel ou la même structure culturelle. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est juste de parler essentiellement d'eux et pas tellement des autres ? Et moi, je trouve ça un petit peu injuste. Je me dis que chacun a droit à un peu de visibilité, que les lecteurs, ils ont le droit d'être informés sur ce qui se passe un petit peu partout. Donc ma sélection, elle se fait beaucoup de cette façon-là. Et la deuxième chose que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est que quand je suis arrivée au Petit Bulletin, moi, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, on avait tendance à écrire moins d'articles, mais un peu plus longs. Et moi, j'ai pris la décision de faire l'inverse. C'est-à-dire que pour toutes les annonces de spectacles qu'on fait tous les mois, écrire des articles un petit peu plus courts, mais par contre, parler de plus de choses. Parce que je me dis que ça laisse un peu de découverte au public qui va se dire « Bon, bah ça me tente bien, allez, j'y vais. » Et ça lui donne plus de choix, en fait, simplement. Voilà. Bah, peut-être un avant-goût, parce que cette émission Beaulieu School, première de cette année, va être diffusée ce mercredi, qui est le jour de la sortie du Petit Bulletin, si je ne me trompe. Alors, pour démarrer le Petit Bulletin, vous allez pouvoir lire un sujet que j'espère vous trouverez passionnant, qui s'intitule « Pourquoi on danse ?». On est allé se demander pourquoi, depuis la nuit des temps, les gens ont envie de danser quand ils écoutent de la musique. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève et qu'on remue un peu du popotin ? Et puis, alors ensuite, on va rentrer dans toute la rubrique qui consiste à développer des annonces de spectacles. Et là, vous aurez, si je me souviens bien, un petit concert électro, un concert magnifique de jazz du Sahel, un je ne veux pas donner les noms, hein, je laisse quand même un peu la surprise au lecteur. Qu'est-ce qu'on aura en théâtre ? On a une pièce très intéressante qui se déroule à Chicago qui s'appelle « Juillet 1961 » qui sera à la Comédie. On vous en parle dans le Petit Bulletin. On vous parle également d'un spectacle de danse traditionnelle qui s'appelle « Naïri ». Et on vous parle de plein d'autres choses. Ah si, je vais ajouter juste le portrait de fin qui a été rédigé ce mois-ci par Nico Rodamel. Très très joli portrait sur La Laverie, qui est une association à Saint-Étienne qui organise des spectacles de rue et qui arrive là avec un événement assez chouette à découvrir aussi. Oui, Symphonie et Siphonée, ce sera fin avril. On va aussi en parler sur notre antenne. Et alors juste pour terminer définitivement, peut-être un choix musical, parce qu'on va aussi mettre des pauses et respirations musicales dans cette émission, mais tu peux l'annoncer et dire pour quelles raisons tu as aussi fait ce choix et cette sélection musicale-là. Eh ben, je vais me baser sur ce que le Petit Bulletin nous conseille ce mois-ci. Je l'ai teasé rapidement, je parlais de jazz du Sahel. Ce mois-ci, Tammy Crest vient au fil à Saint-Étienne et c'est un groupe qui, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le découvrir. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller au fil, il faut quand même aller se mettre un ou deux petits morceaux sur YouTube. L'histoire du groupe est absolument extraordinaire et surtout en l'écoutant, on ferme les yeux et on voyage musicalement. Moi, c'est tout ce que j'aime. Voilà. D'accord, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Ma الزوان الجوط دوان تلك متى تفك ورج مضايا تفارت ما الزوان الجوط دوان تلك متى Et maintenant, le printemps des poètes. Nous allons vous expliquer ce que nous faisons à l'école Beaulieu-Latour. Dans notre classe de CM1, CM2A, pour le printemps des poètes, nous écrivons des poèmes qui riment. Nous avons eu des idées pour les accrocher. Les voici. Accrocher des poèmes aux arbres ou faire des poèmes et les mettre dans un livre, etc. Cette année, nous avons décidé d'avoir l'idée de prendre des poèmes de la classe et les mettre sur l'arbre qui est devant l'école pour en faire un beau sapin de poèmes. Combien de mois, combien de vies faut-il pour écrire une phrase qui égale en puissance la beauté des choses ? Et maintenant, on va écouter Delina. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec à fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte avec votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne lui reprendrait plus Jean de La Fontaine. Aujourd'hui, nous sommes avec Jasmine pour le poème « L'âne et le petit chien ». L'âne et le petit chien, ne forçant point notre talent, nous ne ferons rien avec grâce. Jamais, alors donc, quoi qu'il fasse, ne serait passé pour un galant. Peu de gens que le ciel chéri et graffiti ont le don d'agréer, infusent avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser et ne pas ressembler à l'âne de la fable qui, pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. Comment ? Disait-il à son âme, ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de père à compagnon, avec monsieur, avec madame, et jouerait des coups de bâton. Que fait-il ? Il donne la patte, puis aussitôt, il est baisé. S'il faut faire autant afin que l'on me flatte, cela n'est pas bien malaisé. Dans cette admirable pensée, voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, lève une corne tout usée, la lui porte au menton fort amoureusement. De son chant gracieux, cette action hardie, « Oh, oh, quelle caresse et quelle mélodie !» dit le maître aussitôt. « Hola, Martha Bâton ! Martha Bâton accourt, l'âne change de ton, ainsi finit la comédie. » Jean de La Fontaine. La morale de cette poésie, cela parle d'un âne qui se sentait seul. Mais son maître adopta un chien, un petit chien, mais l'âne voyait que ce maître s'en fichait de lui. Il disait, mais pourquoi moi j'ai des coups de bâton ? Celui-ci, il est paresseux. L'âne réagissait comme ça parce que le chien ne prenait pas de coups de bâton. L'âne faisait tout. Il travaillait dur tous les jours pour enfin avoir sa récompense. Alors, je vais vous présenter une fable de Jean de La Fontaine qui s'appelle « La cigale et la fourmi ». Je m'appelle Malo. Ah. La cigale et la fourmi. La cigale est enchantée tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bille fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'oute foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. « Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant, Jean de La Fontaine. » Neila. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner, je ne veux pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps il y avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'était lui-même opté pour le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ce dernier temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches, Jean de La Fontaine. Bonjour, je m'appelle Erwan. Je vais vous réciter une poésie. De ma fenêtre, je vois la frontière d'un pays et je bois une bière. Bonjour, je m'appelle Maëlys. La lune se couchait. La lune se couchait pâle sur son édredon d'étoiles. Le jour riait dans sa barbe d'herbes longues et de rhubarbe. Son balai d'or à la main, le soleil lavait le monde. À grande eau dans le matin, la terre rêvait dans l'ombre. Pas une personne encore ne se montrait au dehors. Des volets s'ouvraient sans bruit, et seule une tourterelle, encore engourdie de nuit, faisait recouler le ciel. Maurice Carême. Le brochet fait tes projets, j'irai voir, dit-il, le Gange et le Nil, le Taj et le Tibre, le Yangtze Kiang, j'irai d'user de mon temps, et la lune, iras-tu voir la lune? Brochet voyageur, brochet mauvais cœur, brochet de fortune, Robert Desnos. En France, beaucoup de personnes souffrent de harcèlement. Dans les écoles, les collèges, les lycées, nous vous proposons d'en parler. Le 3020 est un numéro gratuit pour parler du harcèlement. Si votre enfant souffre de harcèlement, parlez-en et ne restez pas la bouche fermée. On va vous expliquer pourquoi on a choisi la musique gala parce que c'était le flash mob à l'école. Pour la fête du printemps. Et maintenant, écoutons Gala. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more. Just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. We'll be right back. Maintenant, on retrouve la rubrique « Plus tard, je serai ». Plus tard, je serai cuisinière parce que j'adore faire à manger à la maison et j'aimerais ouvrir un grand restaurant devant la mer. Aussi, j'aimerais que tout le monde connaisse ma cuisine spéciale sandwich à la façon moi. Moi, Neila, plus tard, je serai kiné, je ferai des massages aux gens parce que ça entraîne les mains. Et aussi, je veux être professeure de français parce que j'aime bien apprendre le français aux gens qui ne parlent pas français. Moi, Malo, plus tard, je serai agriculteur parce que j'aime ce métier et j'aime faire pousser des légumes pour les vendre. Je ferai beaucoup de voyages dans le monde. Moi, Maëlys, plus tard, je serai actrice car j'aime ce métier et puis ça entraîne la mémoire parce que pour faire un film ou une série, il faut apprendre un long texte et puis on peut rencontrer de nouvelles personnes. Parce qu'on peut parler plusieurs langues, on peut se lâcher, on cache nos émotions, on peut s'amuser et on peut jouer. Moi, Jasmine, plus tard, je serai actrice américaine, car j'aime voyager et rencontrer des personnes connues et avoir l'occasion de visiter des pays magnifiques. Moi, Erwan, plus tard, je serai fermier parce que je pourrai vendre des choses et je gagnerai des sous. 5, 6, 7, 8 et 1. Au revoir et merci d'avoir suivi l'émission Bolju School jusqu'au bout. La prochaine émission sera le mois prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était quoi ça? Bolju School. Bolju School. Bolju School. Bolju School.